Salut à tous, salut Jaf, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, la dernière fois, on a parlé de comment faire son programme. Et du coup, aujourd'hui, on va enchaîner sur quels exercices choisir. Ouais, ça me paraît bien parce qu'on avait omis volontairement cette partie parce que c'est assez volumineux et du coup, on va aujourd'hui en parler pour puisqu'on a le temps de décrire tout ça. Ok, super. Bah, c'est parti. Ok, Jeff, donc comme on disait tout à l'heure, on va aujourd'hui parler de quels exercices choisir pour son programme. Alors en première partie, finalement, quel type d'exercice il existe et pour quels objectifs, etc. Par quoi on commence? D'abord, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs écoles dans la programmation. Donc, il y a l'école full body, où tu travailles Tout le corps. tout le corps, c'est ça, tous les muscles du Je traduis corps pour dans ceux une qui ne parlent séance. pas anglais. Ensuite, tu as le half split, genre tu vas travailler le haut du corps à une séance, le bas du corps à une séance. Pour les cul-de-jatte. Justement, c'est du full body, malheureusement pour eux. Ensuite, tu as le split, où par Vas-y, parle. Ensuite, t'as le split qui est. Tu travailles que les bras, puis tu vas travailler que les jambes, puis tu vas travailler que les épaules. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus restreint, tu vas beaucoup plus matraquer à une partie du corps. Dans une séance à chaque fois. Dans une séance, c'est ça. Par exemple, tu arrives lundi, tu travailles les pecs, mardi, tu travailles le dos, mercredi, tu travailles les jambes, jeudi, les épaules, et ainsi de suite. Et ensuite, tu as une quatrième école qui a germé ces dernières années, qui est assez populaire, c'est ce qu'on appelle push, pull leg. Donc, à une séance, tu vas pousser, à une séance, tu vas tirer, à une séance, tu vas travailler les jambes. Donc full body, Et half split, ouais, push pull leg et en fait il y en a le un autre. split. Le split. Et le split. Ouais, qui est plus restreint, donc sur une partie du corps. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au full body, parce que c'est ce qui est conseillé pour le débutant, et c'est majoritairement ceux qui nous écoutent qui sont débutants. Et personnellement, je m'entraîne comme ça parce que j'aime bien la sensation d'avoir travaillé tout le corps au sein d'une même séance. Puis t'es un peu débutant aussi, t'es pas très fort. Exactement, aussi, ouais. Je suis beaucoup débutant et ça me va Tout très ceci bien. est une arnaque! Ça me va très bien. Alors, du coup, en fait, il y a quatre mouvements majeurs qui vont travailler. Dans le full body. Non, de manière générale. Il y a quatre D'accord, mouvements majeurs qui découpent les exercices qu'on peut faire. donc en fait là on a juste décrit les différentes écoles, full Ouais, body, c'est ça. etc. Et donc là maintenant on parle plutôt des quatre mouvements majeurs qui vont C'est définir un ça, et exercice, des qui exercices. vont du coup rentrer dans les différentes écoles, que toutes les écoles vont utiliser ce genre d'exercice, et on va juste les décrire. Donc en fait, d'abord, tu as les mouvements de poussée. Et Donc quand tu pousses, tu vas souvent. Donc, on va décrire les différents types de poussée, mais c'est tout ce qui va mobiliser les pectoraux, les épaules, les triceps. tu pousses avec les bras, mais aussi avec les jambes, non? Non, ça, ce sera après. Là, Ah. pour l'instant, on parle du haut du corps, les poussées. Quand tu utilises tes bras. D'accord. Donc, tu peux soit pousser devant toi, ce qu'on appelle une poussée horizontale, par exemple les pompes ou le développé couché, là tu vas mobiliser les pectoraux et les triceps. Il y a un peu le deltoïde antérieur aussi. Ensuite, tu as le poussé vertical, donc le développé militaire, donc tu pousses au-dessus de ta tête. Donc là, tu vas davantage solliciter les épaules, les deltoïdes, et toujours les triceps. Et enfin, tu as la poussée verticale mais vers le bas, donc c'est les dips. Les dips, tu sais, c'est quand t'es sur des barres parallèles, par exemple. Ah ok, oui, ton corps reste... Gainé T'es droit. debout et C'est tu pousses ça, vers et le bas, hop, ok. tes coudes se Contrairement à fléchissent. des pompes où t'es devant toi, Exactement, ok. c'est ça. Donc en fait, le but, et ça va être le but pareil ensuite sur le tirage, c'est de varier les axes pour travailler tout le corps. Parce qu'en fait, la mobilité de l'épaule qui nous permet d'aller de haut en bas est très complexe. Et du coup, il faut varier les axes pour que tout le corps soit bien harmonisé. Donc ça, c'est tous les gestes de poussée. Donc Ok. gestes de poussée devant soi, au-dessus de toi, en dessous de soi. En haut, en Aïe. bas. Ok. Yannick, il avait tout compris. C'est un coach sportif. Du Donc à coup, pousser. c'est ça, c'est la poussée. Ensuite, il y a le tirage. Donc toujours l'exercice pour le haut du corps. Et eux qui vont davantage solliciter la partie postérieure. Donc les dorsaux, les trapèzes, et du coup le biceps pour le bras. Et donc ça, pareil, t'as les trois axes différents. Exactement. Ok. Donc tirer à soi de manière horizontale, c'est-à-dire que par exemple ce qu'on appelle le tirage horizontal, Incroyable. ouais, ou souvent qui est appelé rowing, vu que le terme anglais est souvent emprunté. Ensuite il y a les tractions, donc ça c'est le tirage horizontal depuis le haut à soi. Vertical, donc, du coup. Pardon, oui, j'ai dit horizontal, excuse-moi. Donc, Ok. on reprend traction, tirage vertical à soi. Donc, on tire depuis le haut vers soi. Et ensuite, il y a le tirage vertical, où on va avoir une charge qui est en Du dessous. sol vers le Ouais, corps de pas l'eau. du sol, plutôt, par exemple, on va l'avoir avec les bras tendus et on va la tirer à soi vers le menton. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tirage vertical à soi. Donc, c'est pareil, on varie les trois axes. Et ça permet de bien tout travailler. Parce que par exemple, donc la première catégorie, le travail horizontal à soi, on va plutôt être sur le dorsal. Alors qu'en fait, sur le tirage vertical du bas vers le haut, on va être Ouais. plutôt sur les trapèzes. D'accord. Okay. Mais toujours plus le dos et les biceps. Exactement, voilà. Ensuite, on a les mouvements de genoux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, On passe au bas du corps là, là. on passe au bas du corps. Et en fait, on a des mouvements de genoux et des mouvements de hanches. Donc, d'extension de genoux et d'extension de hanches. Et on va d'abord commencer par les mouvements d'extension de hanches. Donc là, en fait, il y a deux types. Il y a celui où la charge est au sol et on va étendre la hanche. On va tendre la hanche en même temps que le genou. Et ça va faire travailler les ischios et les fessiers. Donc les ischios, c'est les muscles qui sont sous la cuisse. C'est ça, derrière la cuisse, ouais. Et les fessiers, c'est les muscles qui sont au niveau des fesses. Bien joué, exactement ça. Vous y attendez pas à celle-là. Et ensuite, il y a les mouvements où on soulève le bassin. Donc, par exemple, tu es allongé sur le sol, tu lèves les fesses pour le surélever par rapport au sol. Ça, c'est toujours dans l'idée de faire bouger les hanches. C'est ça, exactement, Ok. Ça, c'est le love. C'est pour le love. ouais. Ouais, carrément, ouais. Mais en fait, tu rigoles, mais c'est les mouvements fondateurs pour se créer un cul de fou dans. Je sais pas mal de ce qu'on appelle Bikini Girl, quoi. Et du coup, enfin, je parle souvent de ce mec, mais c'est Brett Contreras, c'est un coach que j'adore. C'est un entier, c'est ça? Non, non, non, c'est un gros américain. Mais il est super balèze. Il a fait sa thèse sur ça. Sur le cul, donc tu vois, D'accord. il est arrivé, il a mis des électrodes sur les fesses. Et il a pris tous les exercices au monde. Il a dit, ah bah quand tu fais cet exercice-là, t'actives à 86% les fessiers, donc c'est bien. Et bref. Et ensuite, du coup, là, donc ça, c'est les deux types d'exercices de hanches, pour les ischios et les fessiers. Et ensuite, on a les exercices de genoux. Oui. Là, c'est pour les quadriceps. Donc, les quadriceps, le C'est ce qui muscle est au-dessus de la cuisse. devant, Devant. quoi, qui Ouais. relie la rotule à la hanche. Et du coup, là, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, forcément, quand tu vas fléchir ton genou, tu vas fléchir ta hanche. Du coup, en fait, tu vas pas faire bosser que le quadriceps, tu vas aussi faire bosser le fessier. Ok. Et du coup, pour ça, on retrouve des exercices comme le squat ou les fentes. Très basique. Voilà, basique, mais qui peuvent quand même avoir quelques variations, mais oui, ça reste assez basique. Il n'y a pas la même complexité que pour le pousser le tirage, quoi. Quand je dis basique, c'est juste c'est ce que tout le monde connaît, C'est quoi. ça, exactement, ouais. Donc voilà, donc ça correspond, c'est mouvement majeur. Les quatre mouvements C'est majeurs. ça, et Deux après. pour les deux pour le bas du corps et deux pour le haut du corps. C'est ça. Et après, j'aime bien y ajouter, vu que c'est assez populaire, le travail des abdominaux, la sangle abdominale. Et là, je trouve, et selon pas mal d'écoles de préparateurs physiques, qu'il y a deux types de travail du. Enfin, c'est pas qu'il y a deux types de travail. Il y a deux types de travail à privilégier. C'est tout ce qui est gainage. Ouais. Donc, on connaît le gainage frontal, le gainage latéral. Après aussi, on peut se gainer par exemple, en prenant un élastique, on va fixer, puis on va faire des mouvements, il faut rester gainé malgré la pression de l'élastique. Et ensuite, il y a tout ce qui est rotation du buste. Donc, par exemple, des lancers de medicine ball, ce qu'on appelle le wood chop en anglais, ou le bûcheron, c'est-à-dire qu'on va avoir un câble, on va tendre les bras devant soi et on va pivoter les épaules. On va pivoter les épaules, ça va faire intervenir les obliques. Donc en fait. C'est tout un mouvement autour de l'axe central quand tu es debout, autour de ta hanche en fait au final. C'est ça. Et le but en fait, on va essayer de minimiser le travail des hanches, enfin la rotation des hanches sur quand on veut travailler la rotation de la sangle abdominale pour justement Mobiliser mobiliser les au obliques. maximum Ouais. la sangle abdominale. Oui, Ok. exactement. Donc rotation du buste, gainage. C'est les deux axes de travail D'accord. pour Mais travailler la du coup, sangle c'est-à-dire que quand abdominale. on va faire les abdos, là, le classique, l'exercice classique, en Ouais. fait, dans quoi il rentre Bah, le ce... crunch, donc on est sur une flexion du buste. Oui. Et c'est pas un exercice qui est très populaire chez pas mal de préparateurs physiques. Donc il vaut mieux pas faire ça, quoi. Mais en fait, quitte à prendre du temps pour travailler ses abdos, moi je conseille plutôt de faire du gainage ou de la rotation de buste. Donc les abdos, ça sert pas. Voilà, le crunch classique, c'est ce qui est le plus populaire, mais c'est pas ce qui est le plus efficace en fait. D'accord, ok. Parce qu'en fait, très rarement tu vas avoir besoin. Enfin, cet argument il est un peu fallacieux, mais très rarement tu vas avoir besoin de fléchir ton buste vers l'avant sur une amplitude aussi faible. Mm-hmm. Alors que par contre, rester solide, rester gainé, tirer pour. Tout ça, tu vas en avoir besoin quoi. D'accord. Donc là, on a rajouté à notre 4 mouvements. De base, les mouvements pour la sangle abdominale. C'est ça. Mais on n'a pas parlé des mollets. Justement, donc ça arrive. Et là, en fait, on va rentrer dans les mouvements mineurs. Mm-hmm. Et du coup, ça va être différents trucs que l'on va pouvoir utiliser selon ses objectifs personnels. Donc là, tu parlais des mollets, ça permet de faire la transition. En fait, ça va être tous les exercices d'isolation. D'accord. Donc en fait, les exercices d'isolation, ça fait opposition aux exercices polyarticulaires. Donc les exercices polyarticulaires, c'est tout ce qu'on a vu avant en fait. C'est-à-dire qu'un exercice polyarticulaire, par exemple sur un mouvement sur des pompes, je vais travailler mes pectoraux, mais je vais aussi travailler les triceps. D'accord. Un exercice tu bouges tes bras, tes. C'est ça. D'accord. En fait, un exercice. Plusieurs articulations. Exactement. Alors qu'au contraire, un exercice d'isolation, bah ça va isoler un seul muscle, donc souvent une seule articulation. Et donc un exemple pour le mollet, voilà, à quoi ça pourrait ressembler le. Bah le mollet, bah, c'est l'extension de cheville. N'hésitez pas. Donc toi, par exemple, mets sur la pointe. C'est ça. Donc toi, chez un débutant, rien que le fait de mettre la pointe de pied, par exemple, sur le bord du trottoir, et d'avoir le talon dans le vide, et de faire une extension de cheville, et de revenir ensuite en position initiale, bah, ça va suffire à donner un stimuli suffisant. Après, par exemple, les bodybuilders ont des machines exprès où ils mettent des disques, et puis juste, ils font des extensions de cheville comme ça, lestées. D'accord. Mais du coup, ça, c'est. Et après, du coup, ce mouvement mineur en fait s'inscrit dans la suite logique du mouvement majeur des genoux, ou en fait c'est décorrélé, ces mouvements mineurs ils dépendent pas des quatre mouvements majeurs dont on a parlé avant. Bah bien sûr ils s'imbriquent dedans, mais je pense que il faut qu'ils soient utilisés selon les faiblesses et les objectifs de chacun. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'hommes dans les salles de musculation qui vont faire des exercices d'isolation sur les biceps et les triceps parce qu'ils veulent avoir des gros bras, tandis que tu vas avoir beaucoup plus de femmes qui vont faire des exercices d'isolation sur les fessiers parce qu'elles veulent des gros fessiers. Voilà, ça dépend de l'objectif de chacun, ça dépend aussi de la santé de chacun. C'est-à-dire que par exemple, les handballeurs ou les joueurs de baseball, en l'occurrence, ils vont faire beaucoup d'exercices d'isolation sur tous les petits muscles à l'arrière de l'épaule, donc sur le deltoïde postérieur, sur le supraépineux, etc., justement pour que l'épaule soit en bonne santé. Les exercices abdominaux aussi sont considérés comme de l'isolation. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débutants, ils sont obsédés par leur ventre, ils vont faire des exercices d'isolation des abdominaux, ce qui n'est pas toujours plus efficace, mais ils vont faire ça. D'accord, ok. Donc ça suit dans une logique de planification personnelle en fait. Ok, donc on a le full body, le half split, le. Ouais. Etc. J'ai bien retenu. La poussée, donc. Enfin, le half body, tout ça, c'est juste des écoles. Ouais, ça, c'est les écoles. Ouais. Après, du coup, là, on vient les mouvements majeurs. On a commencé à parler des mouvements mineurs. Avec l'isolation. Ouais. Et là, du coup, on continue toujours les mouvements mineurs. D'accord, alors continuons les mouvements mineurs. C'est désolé. Ça. Du coup, dans les mouvements mineurs, ensuite, on va, comme j'ai dit au début, on va intégrer des exercices selon sa planification. Donc là, par exemple, soit par amusement personnel, soit pour développer son explosivité, on va inclure des exercices explosifs. Isolation et explosif. Enfin, isolation, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on va juste lister les catégories d'exercices. Donc, on a parlé de l'isolation. Là, il y a l'exercice explosif. Donc l'exercice explosif, c'est un mec qui s'appelle Roberto Dos Remedios. Il a écrit un super bouquin sur l'entraînement de ces exercices majeurs et mineurs, en l'occurrence. Et du coup, il décrit un exercice explosif comme une quadruple extension des chevilles, des hanches, du genou et du rachis. Cheville, hanche, genou, et c'est quoi le rachis ? C'est le dos en fait, c'est le lombaire. D'accord, ok. Ici Alexandre, pour corriger la bêtise que j'ai dite, le rachis est en réalité le nom scientifique de la colonne vertébrale. Et nous avons donc le rachis cervical qui est la région du cou, le rachis dorsal qui est la région moyenne, et le rachis lombaire qui correspond au bas du dos. Voilà, on continue. Et du coup, en fait, on inclut dedans donc tout ce qui est exercice d'haltérophilie. Donc l'arraché. Quand ou, il monte là aux Jeux Olympiques, le truc d'un exactement, coup là. Voilà, c'est ça. C'est bon, la barre est au sol, soit je l'amène aux épaules avant de la mettre au-dessus de ma tête, soit je l'amène directement au-dessus de ma tête. Donc ça peut se faire aussi avec des kettlebells pour apprendre plus facilement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ces exercices explosifs ne sont réservés qu'au bas du corps jusqu'au lombaire? C'est-à-dire qu'on Ah non, va justement. pas avoir des exercices explosifs pour les bras? Ah déjà, c'est une fausse présomption de dire que c'est que pour le bas du corps, parce que la barre, tu la tiens avec les mains. Donc t'inquiète pas, hein, quand tu le fais avec kettlebell ou avec une barre en arraché, tu te sens dans tout le corps. Et c'est ça la magie de cette discipline, c'est que c'est vachement formateur. C'est très dur à apprendre, mais c'est vachement formateur parce que tout ton corps explose. Et c'est pour ça que ce sont des exercices très préconisés. Bah pour le handball, le basket, tous ces exercices, toutes ces disciplines où il y a besoin d'un effort explosif. Parce que par rapport à ce qu'on disait la semaine, enfin la semaine, il y a dernier épisode, donc là on parle de puissance plus force, on parle de pour qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ces exercices-là, qu'est-ce qu'on va aller Pour développer. l'exercice explosif, on va développer l'explosivité, c'est-à-dire la capacité à effectuer un geste le plus rapidement possible, avec le plus de force possible. Ok, ouais, Donc, c'est une combinaison. Ok. exactement. Donc, on parle de sprint, on parle de lancer, on parle d'un coup porté. Voilà. D'accord. Donc, ce qui est bénéficiable dans plein de disciplines. Donc, encore une fois, handball, basket, baseball, boxe, volley. Voilà. OK. Et du coup, donc, on a les exercices d'haltérophilie, mais on a aussi, par exemple, les exercices de medicine ball. C'est-à-dire, j'ai la medicine ball. J'ai une rotation du buste et j'ai une rotation du buste inversée pour revenir Donc par exemple, j'ai la medicine ball sur ma à droite. droite, je la tiens. Et puis je veux l'envoyer comme un ballon de rugby. Voilà, Je vais exactement. faire la passe, hop, je fais tout un mouvement de mon corps. Donc là, pareil, je bosse C'est ça. l'explosivité. Exactement. Soit en utilisant les hanches, soit sans les hanches, selon l'objectif du préparateur physique. Et là, bam, le but, c'est d'exploser le plus possible pour envoyer. Et ça, pareil, on peut le faire dans tous les axes du corps. Devant soi, au-dessus de soi, sous soi, sur les côtés. Ok. Ensuite, donc ça, on a fait des exercices d'isolation, exercices explosifs. Et ensuite, on a les exercices de synchronisation. C'est rarement utilisé chez les élèves lambda. Mais je trouve que c'est intéressant à inclure parce qu'en fait, je trouve que l'entraînement, c'est pas juste se former une plastique. C'est aussi former son corps, La motricité. voilà, c'est-à-dire qu'il soit plus dextre et qu'il sache bouger dans l'espace. Et en l'occurrence, la synchronisation, c'est savoir synchroniser sa droite et sa gauche, et c'est savoir aussi synchroniser son haut et son bas. Toi, par exemple, quand on fait la prépa physique et qu'on utilise des échelles de rythme, Oui, donc c'est les échelles qui sont au sol et après on doit marcher dedans c'est avec une ça, cadence et un mouvement exactement. Et tu spécifique. vois, certains des joueurs, ils vont réussir à bouger leurs bras en même temps, et d'autres, non, ils vont être complètement concentrés sur leurs pieds. Bah là, c'est l'exercice de synchronisation, c'est ça, c'est de réussir à associer tout ça. Et du coup, bah, en fait, il y a un outil, ce qui s'appelle TRX Rip Trainer. En fait, c'est juste un bâton dont le bout est attaché à un élastique, et après l'élastique, tu l'attaches à une fixation. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que avec le bâton, tu vas bouger la droite et la gauche, toujours avec un côté dominant, parce que vu qu'il y a un élastique que d'un seul côté, il y a un côté qui Tu va, travailles plus. la droite ou la gauche qui va pousser plus, tandis que l'autre va juste guider. Et en même temps, bah, tu peux faire bouger les jambes en faisant des fentes, des sauts, des squats. Et bah, tout ça amène l'élève à synchroniser la droite et la gauche, mais aussi le haut et le bas. Et c'est là où ça devient intéressant. Oui, ça c'est pas mal ça, parce que pas pour être méchant, hein, mais je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont pas très synchronisés Non. d'un point de vue moteur. Et c'est vrai que du coup, des fois, tu vas faire du sport l'été avec des amis qui sont pas forcément habitués à faire du sport depuis qu'ils sont tout petits. Et puis, des fois, tu te dis, quand même, ça semble être la base de l'humain de savoir lancer la balle comme ça, la rattraper avec la main gauche ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est vrai que tu vois des gens, ils ont pas forcément ces synchronisations-là, ils en ont sûrement d'autres, mais du coup, Non, c'est carrément. intéressant de. De toute façon, ça se voit parce qu'en fait, ils ont été peut-être traumatisés par l'EPS, donc ils n'ont jamais vraiment aimé le sport, ils ont arrêté tôt le sport, ils n'en ont jamais fait. Et du coup, bah, ils arrivent avec leur corps d'adulte qu'ils n'ont jamais appris à apprivoiser, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important. Et puis c'est pas avec moi, en vacances avec moi qu'ils vont plus être traumatisés, hein, parce Non, que c'est... je suis pas tendre. Hein. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est triste. Mais même, tu sais, ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu vois les bodybuilders qui vont faire des activités sportives. Enfin, je dis pas que le bodybuilding n'est pas d'activité sportive, mais des activités autres que le bodybuilding. Par exemple, lancer un ballon, courir, et là tu vas voir qu'ils vont être complètement gauches. Et ce qui est d'autant plus bizarre quand tu vois toute cette masse musculaire qui a été durement acquise, qui a du mal à se mouvoir autrement que dans les mouvements d'exercice de musculation. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, parce que un corps musclé, c'est super cool, mais un corps musclé qui bouge bien, bah, c'est encore mieux. Et du coup, bah, on parlait des échelles, et ça permet de faire appel à la troisième. Ouais. Eh ben non, t'as l'isolation, explosivité, et là on était sur synchro, donc Quatrième du coup. quatrième. Quatrième catégorie. Donc en fait, c'est tout ce qui est le travail d'appui. Le travail d'appui d'accélération. Donc il y a l'échelle. Donc où on va dire, bah, là tu vas poser ton pied gauche ici, puis ton pied droit ici, ou tes deux pieds ici. Bref, on impose des contraintes à l'élève pour le faire progresser sur ses appuis. Mais aussi, on peut rajouter, surtout, c'est fait surtout avec des travails de cônes, des cônes. On va dire à l'élève d'accélérer et de décélérer, pareil dans des trajectoires différentes, donc sur sa droite, sur sa gauche, en arrière, en avant, pareil, pour apprendre à synchroniser au niveau de ses pieds à gauche et à droite, mais aussi pour apprendre à accélérer et décélérer, ce qui est primordial dans les sports de collectif. Par exemple, en handball, bah, j'ai la balle en main, je cours dans l'intervalle, le défenseur arrive, bing, je freine, je repars de l'autre côté. Ou au basket, pareil, bon, toujours pour gagner ces duels en Ou fait. sinon, le métro sonne, les portes se referment, bam, je pars, tac, je rentre au dernier moment dans le métro. Et je décélère justement pour pas rentrer dans les Ah gens. ouais. Parce que l'accélération, c'est cool, mais ce qui est important dans tous ces sports coach, c'est de savoir C'est la décélérer décélération. et réaccélérer derrière pour gagner l'avantage. Donc je rentre dans le métro, j'ai décéléré, mais j'ai bousculé quelqu'un, je réaccélère pour aller de l'autre côté du métro avant qu'il me tape. Voilà, Non, mais j'essaye d'appliquer ça dans des ça. situations réelles, tu vois. Exactement. Pour que les gens se disent, ah, je fais pas de handball, mais bon, la prochaine fois que je prends le métro, c'est bon, direct, je maîtrise. Exactement. Mais tu sais, sinon, tu peux mettre des gauche-droite-gauche dans la rue, quoi. Ouais. Tu sais, souvent ça arrive, tu vas sur ta gauche, la personne elle va sur ta gauche aussi, puis tu vas à droite, elle va à droite aussi. Alors que si tu maîtrises de gauche-droite-gauche, bah Ouais. bing, t'es Mais c'est pas vrai que sûr. moi, comme je maîtrise pas mal, parce que je fais du lance, des fois je fais gauche sans vache, puis je me retourne, je fais Donc on a dit nos quatre exercices mineurs. Ouais, enfin les mouvements mineurs. Mouvement Ouais, mineur. mouvements mineurs. Et ensuite, on est sur le travail de réaction. C'est-à-dire que c'est important à développer. Donc, ça va être ce qu'on appelle souvent la vitesse de réaction. Donc, il y a un signal. Et combien de temps je vais mettre à réagir avant d'y aller. Donc, pareil, on utilise souvent des cônes. On va utiliser soit des signaux visuels, pardon, des signaux visuels, soit des signaux tactiles, soit des signaux auditifs. Donc là, par exemple, ce qu'on fait souvent avec le handball, c'est on met l'athlète dans un carré de quatre cônes de couleurs différentes, puis l'autre athlète va lui dire, bah, tu touches blanc, jaune, bleu, il va les toucher dans l'ordre avant de revenir au centre, et ainsi de suite. Donc là, on est sur un signal auditif, mais aussi on peut dire, bah, quand je prendis le foulard rouge, tu iras toucher le cône rouge, quand je prendis le foulard jaune, tu iras toucher le cône jaune. Et ensuite, bah, il y a ce qui se fait pas mal en athlétisme, surtout pour les départs, c'est les signaux tactiles aussi pour changer ça. C'est, bah, je suis derrière, si je touche à droite, tu vas aller à droite, si tu touches à gauche, tu vas aller à gauche, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est intéressant aussi qu'on parle de ces exercices-là, je trouve, qui vont pas forcément chercher l'hypertrophie ou aller sculpter le body, mais qui vont aller travailler plutôt la motricité, la réaction. Et je pense que c'est quand même cool, même si tu fais pas du sport co ou du sport, du tennis, etc., de même t'entraîner ça, c'est pas mal pour la vie de tous les jours, je pense quand même. Bah, dans les dernières catégories qu'on vient de citer, je pense que c'est plus limité, tu vois, ce qui est accélération, décélération ou réaction. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça permet de varier ses entraînements et du coup d'apporter une part ludique super appréciable. Parce que on peut se dire tu fais un peu de réaction avec en plus par exemple un autre mouvement mineur ou Voilà. de l'explosivité. Ouais, non, c'est En énorme. fait, ça permet d'enrichir sa panoplie d'exercices. dans sa programmation. Et du coup, bah, d'éviter tout l'ennui que toute personne va souvent inévitablement rencontrer dans sa vie d'athlète, voilà, d'athlète personnel, quoi. Au lieu d'aller à la salle, d'arriver, de faire bah, curl biceps, extension triceps, squat, développé couché, au bout d'un moment, bah, j'explore un peu, je vais avoir d'autres outils. Bah, bing! Toutes ces petites catégories mineures, ça permet d'enrichir ces séances. Et du coup, tout à l'heure, quand on parlait du travail des appuis, j'étais en train de me demander, mais j'ai pas osé t'interrompre, donc je le fais maintenant. J'ai pas osé, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose pour travailler l'équilibre dans ça, dans les appuis? On va y arriver, ouais. Ah, on a tout, on n'a pas encore tout listé. Non, il en nous reste deux. Ok, c'est parti. Ensuite, donc, y a les sauts. Le travail de saut qui est vachement fantasmé, bah, surtout chez les adolescents qui font le sport collectif, quoi. Tu sais, enfin, t'as déjà dû voir au handball ou au basket, je sais pas si t'as déjà vu voir, un mec qui arrive avec les bracelets lestés aux chevilles. Oui. Ou qui, au lycée, il arrive et fait, ah ouais, je porte ça pendant tout le temps, et puis après, quand je vais l'enlever, je vais décoller. C'est l'entraînement de Son Goku quand il y a de Voilà, la c'est gravité. ça. Bon, déjà, si vous nous écoutez, ne faites jamais ça. C'est super dangereux de mettre des bracelets lestés aux Ah chevilles. ouais? Ouais, parce qu'en fait, les tendons. La cheville sont pas assez costauds pour supporter ça. Ils vont finir par s'allonger et du coup être moins résistants pour ça. Donc, si jamais vous voulez faire des exercices lestés avec du saut, vous utilisez des gilets ou des élastiques. Vous allez, Il faut pas les porter en permanence, faut juste les et mettre. après, en permanence, ça sert clairement à rien. Et du coup, bah, les sauts, pareil, on veut varier les axes. Donc, on veut sauter en hauteur, on veut sauter en longueur, on veut sauter latéralement et pourquoi pas en arrière. Et ensuite, on veut varier la typologie du saut, c'est-à-dire que sauter sur deux pieds, atterrir sur deux pieds, sauter sur le pied gauche et atterrir sur le pied droit, et enfin le cloche-pied, sauter sur le pied gauche et atterrir sur le pied gauche. Et aussi, un truc intéressant, bah, toujours dans le je crois que c'est dans le livre de Roberto Domios, Il est grec ou pas? non, il est espagnol, Robertos Domeidos. pas Domedios. Ah, bref, du coup, c'est un Américain, T'es je sûr crois, qu'il fait pas des et kebabs? ah, Ok. c'est vraiment un nom hispanique. Et du coup, tu as le saut médial et le saut latéral. Et du coup, le saut médial, c'est quand, par exemple, je suis sur le pied droit, je vais sauter vers l'intérieur, donc sur ma gauche. Et le saut latéral, c'est quand je suis sur mon pied droit et je vais sauter vers l'extérieur, Vers la vers droite. ma droite. Et du coup, c'est rigolo que ce soit bien Défini. défini et théorisé, ouais. Et enfin, donc la dernière catégorie dont tu parlais, la proprioception, l'équilibre, bah D'accord. c'est le travail de proprioception. Donc là, ça va parler à beaucoup plus de gens, notamment la catégorie des joggeurs qui se fait inévitablement des entorses ou des tendinites au genou et qui sont bah, chez leur kiné sur les plateaux à tenir en équilibre d'abord sur deux pieds, puis sur un pied, puis sur un pied en attrapant des balles. Le dernier, c'était en haut d'un bambou, comme dans Tigre et Dragon, je crois. Ouais, ça, c'est plus dur. Non, mais c'est rigolo de voir que même dans la proprioception, on associe souvent ça à la blessure, en fait, on peut vachement enrichir ça, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, c'est vrai que là, quand on en parle, c'est chez le kiné. Alors que ce que tu dis, c'est qu'on peut aller travailler l'équilibre peut-être avec ça, pour moins se casser la gueule dans les escaliers. Ouais, bah, enfin, mine de rien, bah, par exemple. Tu parlais du métro, mais tu sais, quand tu es dans le métro et que tu arrives à tenir sur tes mains, bah, c'est de la proprioception, quoi. Après, tu vois, ça va, c'est pas clairement l'entraînement en soi, mais c'est intéressant. Par exemple, tu es sur deux pieds, puis sur un pied. Dans le métro, sur un pied, je le Et tenterai pas. voilà, bon. Et après, toi, y a sur certains chocs, ça peut être un peu l'entraînement. D'accord, donc là, ça y est, on a dit tous les exercices. On a dit. Je ne t'interromps plus, c'est bon, on est Non, mais tu sorti. peux m'interrompre autant que tu veux, mais Donc, on a fait tout l'exercice d'abord majeur, puis les catégories mineures. ça y est, on a dit nos écoles, full body, etc. Nos majeurs, Ouais, nos mineurs. c'est ça. Donc maintenant, on est prêt à se dire, dans notre petit menu, est-ce qu'on prend du full body et du coup, dans ce full body, je vais prendre tel exercice majeur, tel exercice mineur, mais pour travailler ça et ça, et donc construire mon programme d'entraînement. C'est ça. Sauf le fait que je corrige, c'est que les exercices majeurs, je vous recommande de ne pas faire d'impasse. On fait les quatre On fait tout le les temps. quatre et ça permet d'avoir un corps en bonne santé. Si on zappe la poussée, le tirage ou le genou ou les hanches, inévitablement il y aura un déséquilibre qui sera vachement grand, qui sera développé dans le corps. Donc nous on est dans le full body, parce que t'es un débutant et t'es pas très doué. Exactement. Et donc, on va aller dans notre entraînement, on va aller essayer de mettre à minima un exercice majeur à chaque fois. Enfin, un de chaque exercice majeur. Exactement, voilà, c'est ça. Mais du coup, quand on dit un de chaque exercice majeur, c'est-à-dire quatre exercices, ou c'est un de chaque type de poussée le haut, vers le bas? Très bonne question. Du coup, c'est un exercice majeur de chaque catégorie, donc un poussé, un tirage, un genou, un hanche. Et après, on essaye de planifier ces séances de façon, par exemple, qu'à la séance A, je pousse vers les hauts, à la séance B, je pousse devant moi, et à la séance C, je pousse sous moi. D'accord. Et du coup, quand est-ce qu'on laisse la place aux mineurs, en fait? Et après, bah, c'est selon ses envies, selon ses objectifs, on va greffer les exercices mineurs autour de ça. D'accord. Et après, bah, les exercices mineurs, ils vont avoir plus de... Ils vont avoir des spécificités sur chacun. Par exemple, l'explosif, on va le mettre en début de séance parce qu'on veut être frais pour les faire. La proprioception, bah, on peut le faire à la fin parce que justement, on veut travailler la proprioception pour qu'on... quand on est cramé pour se mettre en situation de match. Et puis voilà. Et du coup, comment est-ce que je me répartis ça? Donc là, on sait à peu près, on se fait 4 exercices de chaque type, des majeurs. Je peux rajouter un ou deux mineurs en fonction de ce que je veux faire. Donc ça fait 4 plus 2, je suis déjà à 6 exercices. Et c'est déjà pas mal. Et après, du coup, c'est un temps de ce que tu disais la dernière fois, répétition. Temps de repos, temps de répétition, temps de, d'activité. C'est ça, donc on avait les séries avec les répétitions, le temps de repos, et puis après le... J'ai pas révisé avant de venir ce soir. Et puis ce dont on avait parlé, qui était plus pour les intermédiaires experts, le temps sous tension. Donc je sais pas si tu te souviens, et les auditeurs s'en souviennent, c'est-à-dire pendant que je pousse, il va y avoir une, deux ou trois secondes. Le rythme. C'est ça, en isométrie, donc c'est-à-dire une fois que je suis arrivé en contraction au bout de l'extension, 1, 2 ou 3 secondes, et quand je reviens, 1, 2, 3 secondes. Donc la phase excentrique, la phase concentrique et la phase isométrique. Et du coup, moi par exemple, je fais le hand, donc j'ai pas forcément envie de me retaper encore 2, 3 entraînements, t'avais dit, pour l'hypertrophie, pour que ça soit efficace. Pas envie de me retaper 3 entraînements de 1 heure, sachant que je fais déjà 2 entraînements plus les matchs. Donc, disons que je veux faire un programme de 30 minutes. J'ai mes élastiques. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles comme série, répétition, si on veut aller chercher de l'hypertrophie? Si on veut chercher de l'hypertrophie, rapidement, ce sera dur à faire. Donc, je pense que c'est pas mal de garder ce sujet pour une prochaine fois. D'accord. Ok. Ça marche. Ouais. Et du coup, là, par rapport à ce qu'on voulait dire aujourd'hui, les exercices qui existe, tout ça, c'est bon pour on a, toi. On a tout fait, ouais. On a tout fait. Ok, bah très bien. Et du coup, comme ça, la prochaine fois, on introduira avec ta question sur comment faire pour l'hypertrophie musculaire. Et pareil, ça permettra de remplir le prochain podcast. Ok, du coup, je peux encore être tranquille pendant quelques semaines. J'aurai pas d'exo à faire. Et puis après, j'aurai plus d'excuses, quoi. Exactement. Ok. Bon, avant qu'on laisse nos amis qui nous écoutent, tu veux bien rappeler... tes contacts, page internet, etc. etc. C'est ça. Donc, vous pouvez nous retrouver sur mon site coachwecoach.com, sur Facebook aussi à coachwecoach, Instagram coachwecoach. Si vous voulez venir faire des cours avec moi collectif, ça se passe sur Meetup. Donc, circuit training en extérieur sur Paris. Et si vous avez des questions pour des cours personnels, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Les coordonnées sont sur le site. Et puis moi, du coup, si vous voulez me voir, des fois je joue au handball le dimanche à Ourcq, gymnase Haute-Poule. Venez nous soutenir. Ce serait drôle, ça. Ça serait cool. Allez, ciao Jaf, ciao tout le monde. Ciao les gars, salut.